Bien-aimé, wapendo, restons tous debout. Tunabaki sote wima. J'aimerais nous rappeler quelque chose qu'on a partagé hier à la fin. Ningependa niwakumbushe jambo moja tuliozungumzia jana kwa mwisho. Dieu est en train d'insister sur ça. Mungu yuko natilia mkazo juu ya hii. Nous sommes dans une démarche très profonde. Tuko ndani ya safari ya kilindini. Nous sommes en train de chercher du trésor. Tuko tunatafuta akiba. Un trésor qu'on ne peut pas trouver autrement et ailleurs. Hazina ambayo hauwezi kupata nafasi nyingine ama namna nyingine. Avoir Dieu et son kabod. Kuona Mungu na utukufu wake maishani mwetu. Un trésor infini. Ni hazina ambayo haina mwisho. Et dans notre démarche, ndani ya safari yetu, il faut pas que lo rate ça. Hayombe tukose hiyo. Et pour ne pas le rater, na ili tusiweze kuikosa, nous devons nous assurer que nous évoluons correctement. Tunapaswa kuhakikisha ya kwamba tunatembea kisawa. Que nous ne courons derrière personne. Ya kwamba tukimbie nyuma ya mtu. Et que chacun est attentif à chaque élément. Na kila mtu ni mwangalifu kwa kila jambo. De sorte que quand nous faisons un pas, kwa njisi tunapofanya hatua moja, que les pas précédents sont déjà assurés. Tunahakikisha ya kwamba hatua zilizotangulia zimehakikishwa. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Elle est larme dans mon cœur. Na machozi moyoni mwangu mbele ya Mungu. C'est de dire. Ni kusema. Si tu peux accorder ça à chaque archoa. Kama unaweza kuambia kila Mkristo wa kanisa hili. Bientôt. Hapa karibuni. Vous serez une référence dans votre quartier. Mtakuwa vielelezo ndani ya eneo yenu. C'est-à-dire. Inamaanisha. Du fait que le Dieu des cieux, Yahweh. Sababu Mungu wa mbingu Yahweh. Est venu habiter en vous. Amekuja kukaa ndani mwenu. Son expression. Ndani ya utu wake wote. Dans toute son essence. Ndani ya kukua kwake kote. Vous allez sauver des vies. Mtaokoa maisha mengi. Vous allez être un point incontournable. Mtakuwa nafasi ambayo hakuna mbaya anaweza pita pembeni ya hiyo. Les gens vont vivre grâce à vous. Na watu wataishi kupitia nyinyi. Quand vous lisez l'expérience de Joseph, kama vile maisha ya Yusuf chez Potiphar, kwa Potifari, dans Genèse 39, ndani ya kitabu cha Mwanzo 39, il est écrit, imeandikwa, dès l'instant où Joseph est arrivé là-dedans, wakati Yusufu alipofika tu humo ndani, toutes les affaires de Potiphar, mambo yote ya Potifari, yakaanza kuendelea. Tout a commencé à bouger. Mambo yote yakaanza kutikisika. Dans quelques jours. Kwa siku chache. Potiphar a pris une décision catastrophique. Potiphar akachukua maamuzi ya hatari. Il dit, anasema, je te laisse tout mes biens et tout ce qui est à moi. Na kuachia yote iliyo yangu na mali yangu yote isipokuwa tu mke wangu. Sauf ma femme. Mke wangu tu ndiye hapa. C'est pas légal. Sababu hiyo si sheria. Même si je pouvais te donner aussi ma femme. Ni kama vile ungeweza kusema ningekuwa na uwezo ningekupatia hata mke wangu. Quelque chose que je n'ai jamais vu. Sababu naona ndani mwako. J'ai jamais vécu ça. Jambo bosi jaishi, sijaiona. Les champs marchent. Masamba zinaendelea. Les affaires tournent. Biashara inaendelea, mambo yote yanaendelea. Parce que quelqu'un qui est rempli de Dieu. Sababu mtu ambaye anajaa Mungu. Il vient d'arriver. Amefika. C'est ce que tu seras à partir de maintenant. Na hiyo ndio utakayokuwa kuanzia sasa. Et je soupire après ça. Na ninakuwa nikitamani hii. Pour toi. Kwa ajili yako. Il y a des problèmes dans notre société. Kuna shida ndani ya jamii zetu. Chacun de vous habitez à Goma ou à Gisenyi. Kila moja wetu mnaishi Goma ma Gisenyi. Si chacun de nous devient un transporteur du cabot de Dieu. Kama kila moja wetu anabeba utukufu dans la ville. Ndani ya mji. Est-ce que vous vous rendez compte? Je mnagundua jambo ambalo litatokea. Et que nous sommes parsemés dans la ville. Na tunakuwa mahali pote ndani ya mji. Avec le grand Dieu. Pamoja na Mungu mkubwa. Mais qu'est-ce qu'on peut encore chercher? Nini tunaweza tena kutafuta? En Dieu il y a la vie. Ndani ya Mungu mna uzima. En ce Dieu il y a l'argent. Ndani ya Mungu mna pesa. En ce Dieu il y a la transformation. Ndani ya Mungu mna mabadiliko. En ce Dieu il y a la victoire. Ndani ya Mungu mna ushindi. En ce Dieu il y a les solutions. Ndani ya Mungu. En ce Dieu il y a tout ce que les êtres humains. Ndani ya Mungu mna ile yote ambayo les croyants comme les non croyants. Wale wanaamini na wasioamini. Tout ce que tu me cherches. Ila ambao kila mmoja anatafuta iko ndani ya Mungu. Même les païens. Hata wapagani. Vont bénéficier. Watafaidia. Ceux qui ne dormaient plus dans votre quartier, malmenés par le monde des ténèbres, vont commencer à dormir. Parce que la gloire de Dieu est descendue là-dedans. Dans ce quartier-là. A commencé par votre maison. Que les affaires de votre papa commencent à tourner. Que la profession de votre maman commence à vivre. Les blocages qui avaient dans le boulot, c'est de nous. Les difficultés qu'il y avait dans vos champs. Matatizo yaliyokuwa ndani ya shamba zenu. Les champs ne produisaient plus. Shamba zilikuwa zisaidi. Commence à produire. Zinaanza kuzaa sasa. Parce qu'il y a un élément de cette sababu famille. Sababu kuna mtu mmoja wa jamaa hiyo. Qui a attrapé Dieu. Ambaye alimpata Mungu. Qui a attiré Dieu. Ambaye alimvutia Mungu. Et Dieu est venu chez eux. Na ambaye alikuja kwao. Et Dieu répand sa vie. Na Mungu anaachilia uzima wake. Au-delà de votre maison. Zaidi ya nyumba yenu. Dans tout ce qui vous concerne. Ndani ya yote yanayowahusu. Les gens qui sont en difficulté ou en problème. Watu wanaokuwa na matatizo au manashida. Commencent à vous chercher. Wanaanza kukutafuta. Vous devenez le pasteur de votre quartier. Na unageuka mchungaji wa kata yako. Quand quelque chose s'est passé dans une famille. Wakati kuna jambo kilifanyika ndani ya jamii. Allez chez le pasteur. Wanasema muende kwa pastor. Depuis quand il a été ordonné pasteur. Tangu siku gani wao wamekuweka hapo kama mchungaji? Hujui. Mais c'est dans ses grâces et son. Lakini ni ndani ya kipindi hiki cha neema isiyo na kipimo. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mon frère, ndio maana ndugu yangu, je voudrais appeler, faire appel à ton attention totale. Ningependa niite uangalizo wako, ta conscience totale. Zamiri zako zote. Quelqu'un a chanté comme une biche soupire après des courants d'eau. Courants d'eau. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Comme une biche soupire après toi. Soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif des dieux. Du Dieu vivant. Dieu vivant, mon âme a soif de toi, Dieu. Nafsi yangu ya kutamani Mungu. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Alors hier nous avons vu quelque chose. Jana tuliona jambo moja. Les choses qui indignent Dieu. Mambo ambayo yanamchukiza Mungu. Et qui l'empêche de venir chez nous. Na mambo yanamzuiza asije kwetu. Ou même quand on l'a amené et qu'il est venu chez nous, na hata wakati tulimuita na kakuja kwetu, il croise les bras. Anapachika mikono. Il reste tranquille. Anabaki kimya. Il laisse même les gens égorger. Na anaacha hata watu wanachinjwa. Il reste tranquille. Anabaki kimya. J'aimerais que le média nous remontre ça. Ningependa media tutulie tena hiyo kwenye comme rappel. Kama vile ukumbusho. Et demain, on va vous remettre ce bout de papier. Na kesho watawapatia hii makaratasi. Pour que chacun puisse avoir le temps de s'y référer. Ili kila moja kuwe na muda wa kuangalia hapo. Les choses qui indignent Yahweh. Mambo yanayomchukiza Yahweh. Chez les siens. Kwa walio wake. Nous ne parlons pas de choses qui indignent Dieu chez les païens. Hatusungumzie mambo yanamchukiza Mungu kwa wapagani. Parce que là c'est déjà acquis, c'est ça marche pas. Sababu huko kabisa mambo yanaendeki. Mnaweza kuketi kwa dakika kidogo. Ili mfuate vizuri. Si tu peux noter en même temps. Na kama unaweza kuandika. Demain on va vous donner ça. Lakini kesho watawapatia vikaratasi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première chose. Jambo la kwanza. L'inattention kukosangalisho envers les prescrits de Dieu. Kwa maarifa ya Mungu. C'est-à-dire, ni kusema, nous sommes censés être les premières personnes. Tunapaswa kuwa watu wa kwanza. À être sensibles à Dieu. Tuwanye kujali Mungu. À faire attention à Dieu. Tuangalie Mungu. Considérant qui il est. Tukiangalia yeye ni nani. À trembler devant lui. Tutetemeke mbele zake. Dans les temps anciens. Ndani ya wakati wa kale. En Israël. Israel. On ne pouvait même pas citer le nom de Dieu. Hawangepaswa hata kutaja jina la Mungu. Même les scribes. Hata waandishi. Lorsqu'ils faisaient les transcriptions de la Bible. Wakati walipokuwa wakiandika Biblia. Quand ils arrivaient au mot Yahweh. Wakati walipofika kwa ile neno Yahweh. Ils allaient se laver les mains. Walienda kunawa mikono. Ça dit vous êtes en train d'écrire les phrases qui sont dans la Bible là. Ne kusema uko naandika misemo hiyo ndani ya Biblia. Et chaque fois que vous arrivez au nom de Dieu. Na kila mara unapofika kwa jina la Mungu. Vous allez vous laver les mains. Unaenda nawa kwanza mikono. Vous allez vous sanctifier. Unaenda kwanza kujitakasa. Et vous lavez 7 fois. Na unanawa mara 7. Vous voyez dans Exode, il est écrit, tu ne prendras mandikwa. Pas le nom de l'Éternel en vain. Hautachukua jina la Bwana Mungu kwa bure. C'était déjà écrit. Ilikuwa imeandikwa tayari. On ne pouvait pas citer Dieu n'importe comment. Na ungepasa kutaja jina la Mungu ovyo. C'est-à-dire les gens sont conscients de qui est Dieu. Ni kusema watu wanazamiri Mungu ni nani. L'inattention. Kukosa angalisho. Maintenant c'est Dieu a donné des prescriptions. Sasa huyo Mungu alipana maarifa. Et nous les négligeons. Na tunayazarao. Nous les méprisons. Tunayazarao. C'est grave dans la maison de Dieu. Ni hatari ndani ya nyumba ya Mungu. Regardez quelques textes. Angalia maandiko fulani. Psaume 107 verset 11. Zaburi 107 mstari wa 11. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Sababu walipinga maneno ya Mungu. Et qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Na walizarao ushauri la Aliye Juu. Méprisé les conseils du Très-Haut. Walizarao ushauri la Mungu Aliye Juu. Tirez toutes les conclusions. Muangalie sasa matokeo yote. Levitique 26 43. Walawi 26 43. Le pays sera abandonné par eux. Nchi itaachiliwa nao. Et il jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux. Na atakuwa kifurahia sabato wakati wa tabaki mbali. Ils paieront la dette de leurs iniquités. Watalipa deni ya maovu yao. Parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances. Sababu walizarau maagizo yangu. Et que leur âme a eu mes lois en horreur. Na nafsi yao ilichukia sheria zangu. A eu mes prescrits en horreur. Mioyo zao iliona sheria yangu kama machukizo. Et nous avons dit. Na tulisema. Si tu te trouves dans un cas comme ça. Kama unakuwa ndani ya. Repent-toi. Kitu kama na hiki, utubu. En fait, ça fait partie des pas que nous serons en train de franchir. Ni moja wapo ya hatua ambazo tutakuwa tunapiga. L'accès. Lakini kufika. Vers l'accès kwa kuendea à la gloire de Dieu. Utukufu wa Mungu. Deuxième chose. Jambo la pili. L'inattention envers sa personne. Kukosa angalisho kwa utu wa Mungu. Sa personne. Utu wa Mungu. Ce que Dieu est. Ile ambayo Mungu iko. Dans 1 Samuel 6 13 à 21. Ndani ya Samueli wa kwanza 6:13 hadi 21. Le mouvement de l'arche de l'alliance qui revient dans le pays d'Israël. Ambao tuliweza kusoma tulipoona sanduku la agano ambalo lililetwa ndani ya Israeli. Il est écrit que les habitants de Bethshemesh. Imeandikwa kwamba wakaaji wa Bethshemesh. Qui moissonnaient le blé dans la vallée se levèrent les yeux et aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Walikuwa wakivuna ngano ndani ya bonde na walipoinua macho wakaona sanduku la agano na wakafurahi walipoiona. Kwa shairi la 19 walifurahi. Quand l'arche est arrivée, wakati sanduku la agano lilipofika, ils ont fait des offrandes, na wakafanya sadaka, des sacrifices, wakafanya zabihu. Mais au verset 19, lakini kwa shairi la 19, l'Éternel frappe. Bwana napiga. Comment tu nous frappes? Sababu gani unatupiga? On a donné des offrandes. Tumepana sadaka. On a fait quelque chose. Si tumefanya kitu. L'Éternel frappa les gens de Bethshemesh. Bwana akawapiga watu wa Bethshemesh. Lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'alliance. Wakati waliangalia sanduku la Bwana wa Mungu. Il frappa 70 hommes parmi les peuples. Akapiga watu 70 kati ya watu. Désolation parce que l'Éternel avait frappé d'une grande plaie. Na watu wakakuwa ndani ya kilio sababu Bwana aliwapiga kwa pigo kubwa. Pourquoi tu nous frappes? Sababu gani unatupiga? La réponse de Dieu c'est comment vous m'avez traité. Jibu la Mungu ni namna gani mliweza kunikubali. Vous avez vu comment ils l'ont laissé sur la pierre. Tuliona njisi walimwacha juu ya jiwe. Là dans les champs. Ndani ya shamba. Et les gens commençaient à regarder une chose sacrée et sainte comme ça là. Na watu walianza kuona hii sanduku ambayo ni takatifu hapo hadharani. Utu wa Mungu. Quelle est notre attitude? Hali yetu ni gani? Quand il s'agit de la personne de Dieu. Wakati ni utu wa Mungu. Quand on parle de Dieu. Tunapomzungumzia Mungu. Quand on parle de Dieu. Tunaposema juu ya Mungu. Quelle est mon attitude? Hali yangu ni gani? Iko tu ki anaume moya hivi? Est-ce que c'est un homme là? Niki idole moya hivi. Est-ce que c'est une idole? Quelle est mon attitude face à sa personne? Ni hali gani ninayo mbele ya utu wake? Alléluia. Amen. Et Deutéronome 32, 15 dit. Kumbukumbu la Torati 32:15. Israël a dit il a rejeté, tu es devenu gras, épais et replet. Il a abandonné Dieu. Akamkata Mungu. Son créateur. Mumbaji wake. C'est-à-dire. Ni kusema. Qu'est-ce que tu as comme Dieu? Nini unayokuwa kama Mungu? J'ai le créateur. Nina muumbaji. Mais mon inattention envers sa personne. Lakini kukosa kwangu angalisho ya uto wake. J'ai le vrai Dieu. Nina Mungu wa kweli. Mais comment j'ai fait? Lakini namna gani nilifanya? Je suis devenu gras. Nimenenepa. C'est-à-dire nishenda mubyangu. Je suis dans mes choses, dans mes affaires. J'ai abandonné le créateur. Akamwachilia muumbaji wangu. Mon créateur. Muumbaji wangu. J'ai méprisé les rochers de mon salut. Na nikadharau mwamba wa wokovu wangu. Nikadharau mwamba wa wokovu wangu. Si tu méprises les rochers de ton salut, qu'est-ce qui te reste? Kama unadharau mwamba wa wokovu wako, nini unabaki naye? Qui te sauvera? Nani atakaye kuokoa? Le rocher de ton salut. Mwamba wa wokovu wako. Ou le secret de ton salut. Ama siri ya wokovu wako. Tu le méprises. Unaizarao. Qu'est-ce qui te reste? Nini unayobakia nayo? Hallelujah. Amen. La troisième grief. Na chukizo la tatu. L'attachement syncrétique à d'autres dieux. Inakuwa ni kuambatana na kwa miungu zingine ama kumchanganya Mungu. Dans notre foi. Ni kusema ndani ya imani yetu. Nous allons à l'église. Tunaenda kanisani. Et nous avons les hirizi. Na tuna hirizi pamoja nasi. On veut pas perdre Satan. Hatupendi tumpoteze shetani. Mais on veut pas perdre Dieu. Na hatupendi tumpoteze Mungu. Nous voulons et Dieu et Satan. Tunapenda Mungu na tunapenda na shetani. Quand c'est l'heure de Satan, nous sommes là. Wakati ni saa ya shetani tuko hapo. Quand c'est l'heure de Dieu, nous sommes là. Na wakati ni saa ya Mungu tuko hapo. Et nous venons avec Satan. Na tunakuja na shetani. Ou les choses de Satan. Ama mambo ya shetani. Dans les choses de Dieu. Ndani ya mambo ya Mungu. Alléluia. Amen. Certaines coutumes de Satan sont encore attachées à certaines personnes. Kuna mila za shetani ambazo zingali zinambatana na watu wa moja. Tu avais été à l'initiation, je sais pas c'est Kimbirikiti ou chez Kalisia ou chez qui. Sijui kama walikufundisha kuaguza kwa Kimbirigiti ama kwa nani. Et c'est resté avec toi dans l'église. Surtout quand il y a deuil. Na zaidi sana wakati kuna kilio. Il faut laver le veuf. Oh, inaomba kumkogesha ule mjana aliyebaki. Il faut appeler les ongles. Inaomba kuita wajomba. Il faut le laver. Watamu nawisha. Et ce veuf est chrétien. Na ule mjana aliyebaki. Ama mjane mke aliyebaki ni Mkristo. Il faut faire des cérémonies. Inaomba kufanya masherehe. Vous appelez quels esprits? Munaita mapepo gani, roho gani? Et quel est le Dieu que vous adorez? Na Mungu gani mnayemwabudu? Il y a des trucs comme ça dans les coutumes. Na kuna mambo kama na haya ndani ya mila. Alléluia. Amen. Le syncrétisme. Kumchanganya Mungu. Nous avons vu cela. Tuliona hiyo. Dans 1 Samuel 7:3-4. Ndani ya Samueli wa kwanza 7:3-4. Et quatrièmement, l'ingratitude face aux efforts divins. Na ya ine ni kukosa shukrani mbele ya mambo Mungu anayotenda. Les efforts divins de grâce offertes à nous. Ile neema ambayo Mungu anatupatia. Dieu fait des efforts de grâce. Mungu anajikaza na tupatia neema. Dieu fait des efforts. Mungu anajikaza. Comme dans ce cas où nous avons vu. Kama Dieu andani, fait des efforts de retourner chez son peuple. Kama hapa tunaona Mungu anajikaza ili arudi kwa taifa lake. Il leur donne la grâce. Anawapa neema. Mais lakini on est ingrat. Unakosa shukrani. On est ingrat. Unakosa shukrani. Dieu fait beaucoup de choses pour nous. Mungu anafanya mambo mengi juu yetu. On est ingrat. Lakini tunakosa shukrani. Ce que Dieu fait là c'est par grâce. Ile Mungu anayofanya ile ni neema. Hatuistahili. Mais lakini nous considérons que c'est normal. Tunaona kama vile ni kawaida. Et notre réponse avec lui? Najibu letu kwake. Et vai que vai, terre à terre. Ni ovyo ovyo, ya chini chini. On ne peut pas savoir si nous avons été bénis par Dieu ou par l'oncle ou par tate ou par les petits frères ou la grande. Na watu hawataweza kujua kama tumebarikiwa na Mungu, mjomba, tate ama nani. Quel égard avec ce Dieu là? Tunatazama namna gani? Quelle attitude envers cette grâce là? Hali gani tunayo mbele ya hiyo neema? Et nous avons vu cela dans 1 Samuel 7. Na tuliona hii ndani ya Samueli wa kwanza 7. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Psaume 91:14-15, il est écrit. Ndani ya Zaburi 81:14-15 maandikwa kwa ghafla. Mettez le verset précédent. Unaweza kuweka shaili linalotangulia. Il est écrit, oh si mon peuple m'écoutait. Imeandikwa kama taifa langu wangenisikiliza. Si mon peuple m'écoutait. Kama taifa langu lingenisikiliza. Si Israël marchait dans mes voies. Kama Israeli angelitembea ndani ya njia zangu. En un instant. Kwa ghafla. J'humilierai ses ennemis. Ningezaraulisha maadui zake. C'est Dieu qui parle. Ni Mungu ndiye anayesema. En un instant. Kwa ghafla. Si seulement vous m'écoutiez. Kama tu mungelinisikiliza. En un instant. Kwa ghafla. Et ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Na wale ambao wanamchukia Bwana wangepaswa kumfurahisha. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. Na heri ya Israeli ingepaswa kudumu milele. Si quoi? Kama nini? Si quoi? Kama nini? Si mon peuple m'écoute. Kama watu wangu wangenisikiliza. Si mon peuple m'écoute. Kama watu wangu wangenisikiliza. Cinquième grief. Chukizo la tano. Approcher Dieu sans sincérité et authenticité. Kumkaribia Mungu pasipo ukweli. Nous approchons Dieu vai que vai. Tunamkaribia Mungu kiolela. Même quand on est en retard au culte. Hata wakati umechelewa. On s'excuse même pas. Haombe hata msamaha. Même quand tu as pris le téléphone pendant que tu es à genoux en prière. Hata wakati umechukua simu wakati unapiga magoti kunomba. Tu étais en train de parler avec Dieu. Nikusema ulikuwa unaongea na Mungu. Seigneur. Unasema Bwana. Je t'adore. Ninakuabudu. Je célèbre ton nom. Ninalisifu jina lako. Wewe ni Mungu wangu. Je t'aime. Ninakupenda. Ring, ring, ring, ring. Kisha simu inalia. Allô? Unachukua unaanza kuongea na watu. Eh, hey, unasema nini? Tu dis quoi? Enfin, nitafuta tu kukusalimia. Je voulais seulement te saluer. Ok, sawa. Ok, merci. Je t'adore. Nina kuabudu. Tu t'excuses même pas. Naomba hata msamaha. Tu parlais à qui? Wewe ulikuwa unaongea na nani? On devrait s'excuser. Si tungepasa kuomba msamaha. À Dieu. Unaambia Mungu. En fait, kwa kweli, on devrait pas décrocher. Haungepaswa hata kuchukua ile simu. Tu parles avec le Dieu de l'univers. Unaongea na Mungu wa ulimwengu. La source de ton existence. Ambaye ni kisima cha kwako. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mfalme wa falme na Bwana wa mabwana. Et puis écouter ta paix. Na kisa binamu anakuita. Tu vires Dieu. Na kisa una et tu le décroches. Unamwacha Mungu na kisa yeye unamkubali. Après tu reviens. Na kisa unarudi. Pour continuer à parler avec lui. Ili uendelee kuongea na Mungu. Comme si rien n'était. Kama vile hakuna kitu. On dirait ni kimungu moya hivi tu. On dirait c'est un dieu là bizarre. Vous voyez frère? Mnaona ndugu? Ça ce n'est qu'un cas. Hii inakuwa tu ni mfano moja. Que le Saint-Esprit te montre les autres cas. Roho Mtakatifu akuonyeshe mambo mengine. Approcher Dieu sans sincérité. Kumkaribia Mungu bila ukweli. Esaïe 29, 13, il est écrit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition. Isaya 29 mstari wa 13 nasema kwamba watu hao wananiheshimu ni kwa kinywa tu. Na uoga wanaokuwa nayo juu yao inakuwa tu kama vile kisababu cha mila ya wanadamu. Wananiabudu ni kwa kinywa. Ndani ya Mathayo 15 mstari wa 5 inaandikwa ya kwamba watu hao wananiheshimu tu kwa kinywa. Lakini moyo wao ni mbali nami. C'est-à-dire être négligent. Ni kusema kuzarao. Ne pas être vrai devant Dieu. Kukosa kuwa kweli mbele ya Mungu. Ne pas prendre conscience de, avec qui tu parles. Kukosa, de qui il s'agit. Kukosa zamiri ya kujua nani unaongea naye. Qui est-ce que tu es en train d'adorer? Nani ambaye uko na muabudu? Qu'est-ce que tu es en train de servir? Uko natumikia nani? Nous servons pas un homme. Hatumtumikii mwanadamu. Nous servons le Dieu vivant. Tunamtumikia Mungu aliye hai. Sixièmement. Ya sita. La négligence de notre appartenance à Yahweh. Kuzarau kuwa kwetu kwa Yahweh. Jérémie 2:13, il est écrit, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2, ils m'ont abandonné 13, pour se creuser des sources, des ressources, des citernes. Imandikwa ya kwamba watu wa Israeli wamefanya zambi mbili, wamemwachilia Mungu aliye kisima chao na wamejichimbulia sasa visima ambavyo vinatoboka ambavyo haviwezi kuweka maji. Tu es allé te confier à qui? Ulienda kumtumainia nani? Une citerne troué. Inakuwa ni kisima ambacho kimetoboka tayari. En abandonnant le vrai Dieu. Ukimwachilia Mungu wa kweli. La négligence. Kuzarao. De notre appartenance. Kuwa kwetu. Mes amis. Rafiki zangu. Le fait d'appartenir à Dieu, c'est une grande richesse. Kukuwa wa Mungu ni utajiri mkubwa. Avec ou sans argent. Uwe na pesa ama hapana. La preuve n'est pas l'argent. Kitambulisho sio pesa. J'appartiens à Dieu, oui. Pourquoi? Mimi ni wa Mungu, parce ndiyo, que j'ai sababu l'argent. Gani, sababu nina pesa, hapana. C'est pas ça la preuve. Sio hiyo ndiyo kitambulisho. C'est le cabode de Dieu qui ni utukufu wa Mungu ulio ndani mwangu. Dans 2 Rois chapitre 1 verset 3, il est écrit, mais l'ange l'Éternel dit à Élie, le Tishbis, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous êtes allé consulter Baal-Zébub, Dieu des camps? Wafalme wa pili sura moja mstari wa 16 ya Elia anatumwa na Mungu aenda kaulize Israeli. Mungu anashangaa. Idi est-ce que parce qu'il y avait pas Dieu que vous êtes allé de l'autre côté? Na anamwambia wende ulize wa Israeli. Je, ni sababu akukukua Mungu ndio mlienda kutafuta wa miungu wengine? On vous a dit que je n'existe plus. Je, waliwaambia ya kwamba siko tena? Ça c'est Dieu qui parle. Hapa ni Mungu ndiye anayesema. Il se plaît. Anakuwa akihuzunika. Et puis le manque de constance a dirigé notre cœur vers l'Éternel. Na kisa ni kukosa uimara kuongoza roho yetu mbele ya Mungu ama moyo ambao unagabulika nafasi nyingi. Jérémie 2:11-12 il est écrit. Jérémie 2:11-12. Change ses dieux. Je, kuna taifa inayobadilisha miungu zake? Qui ne soit même pas de Dieu. Hata kama wao si wa miungu wa kweli. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Na taifa langu limebadilisha utukufu wake kwa ile ambayo haiwezi kuwasaidia. Mon peuple a changé quoi? Taifa langu limebadilisha nini? A changé quoi? Limebadilisha nini? Vous n'êtes plus là? Hamuko tena. Mon peuple a changé. Taifa langu limebadilisha. Mon peuple a changé son kabod. Il megeuza utukufu wake contre ce qui n'est d'aucun secours. Kwa vile ambavyo haviwezi kuwasaidia. Ça dit mon peuple avait le kabod. Ni kusema taifa langu lilikuwa na utukufu. Mais il l'a changé avec ce qui n'a il ne lui apporte rien. Lakini wakaibadilishia kwa kitu ambacho akiwaletee kitu. Et Dieu dit cieux soyez étonnés. Na Mungu anasema mbingu mshangae. Mshangalie nani? Vous allez vous étonner de qui? Dieu dit, Mungu anasema, mbingu. Soyez étonnés de ces gens ici. Mshangalia wa watu wao. On pouvait dire les arbres. Wangepasa soyez kusema, étonnés de ces miti, gens. Miti, sina nyinyi mshangalia wa watu. Alléluia. Amen. Et frémissez d'épouvante et d'horreur. Namujae woga. Deux rois insensés. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, Dieu des cons, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont tu puisses consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Sababu ulienda kuwachunguza miungu wengine kama vile hakuna Mungu Israeli, hautatoka tena kwenye ile kitanda ambao unakuwa ukigonjea maana utakufa. Utakufa. Tu vas mourir. Ça, ce sont les indignations de Dieu. Haya ni machukizo ya Mungu. Et vous pouvez compléter la suite. Na mnaweza kuendelesha. Les répétitions dans le mal. Ni kurudilia mabaya. Aujourd'hui on se relève. Unaanguka leo kesho unasimama. Kesho tena unaanguka tena unasimama. Ces répétitions là. Ile marudilio hiyo. Indigne Dieu. Zinamchukiza Mungu. Bwana sifiwe. Amina. Bwana sifiwe. Amina. Alors tu as besoin de répondre à Dieu. Sasa unahitaji umjibu Mungu. Face à ces choses. Mbele ya mambo haya. Et dis Seigneur. Na useme Bwana. Comme ces choses là s'attendent. Njisi mambo haya yanakuchukiza. Voici la résolution que je prends. Tazama uamuzi ambao unachukua. Et tu écris tes résolutions. Na unaandika maamuzi yako. À la maison tu pouvais faire cet exercice là. Nyumbani unaweza kufanya mazoezi hayo. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Vous êtes triste? Mnakasirika. Est-ce que la joie est encore là? Je furaha ingali. Il y a trois joies. 1, 2. Kuna furaha tatu. Est-ce que la joie est encore là? Je furaha ingali hapo. On peut acclamer le Seigneur. Naweza kumshangilia Bwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mettons-nous à la place de Dieu. Sasa tujiweke kwa nafasi ya Mungu. Dieu crée les êtres humains. Mungu anaumba wanadamu. Et il attend des choses de ces êtres humains. Na anangoja mambo kutokea kwa hawa wanadamu. Si ces êtres humains s'inscrivent dans ce que Dieu demande. Kama wanadamu hao wanaingia ndani ya ile Mungu anaomba. Quelle joie pour Dieu. Itakuwa furaha gani mbele ya Mungu? Et comme Dieu est infini. Na sababu Mungu hana mwisho. Et qu'il est mis dans la joie. Na anakuwa haiko hata ndani ya furaha. Ne va-t-il pas recourir au reste du stock? Je hata kimbia na leta akiba inayobaki. Et vous amenez ça? Na waletee nayo. Mais notre imagination est très réduite. Lakini mafikiri yetu nakuwa ni chini sana. Notre cœur sont tellement coincés. Mioyo yetu kabisa zimefinyangwa. Le jour où le peuple de Dieu comprendra. Siku ambao watu wa Mungu wataelewa. Que Dieu n'équivaut à rien sur la terre. Ya kwamba kuna kinacholinganishwa na Mungu duniani. Et que avoir Dieu. Na kwamba kuona Mungu. Est la meilleure des choses que nous pouvons chercher. Inakuwa jambo bora kuliko yote ambayo tunaweza kutafuta. Même la sanctification sera facile. Hata utakaso itakuwa ni rahisi. Quand on nous dit sanctifiez-vous, wanapotuambia mjitakase, ça paraît difficile. Inaonekana kama ngumu. Parce que nous ne comprenons pas. Sababu hatuelewi. Le poids de Dieu. Uzito la Mungu. Valeur de Dieu. Thamani ya Mungu. Et la valeur d'avoir Dieu. Na thamani ya kuwa na Mungu. On ne comprend pas. Hatuelewi. Abandonner le péché. Achani zambi. Oh, pasteur. Oh, mchungaji. Na sie tuko batu quand même. Nous aussi nous sommes des humains. Uko mtu, hein? Tu es humain. La conséquence, c'est ce que nous vivons et qui nous arrive. Ni hii ndio tunayoishi na ile inayotufikia. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, nous lisons quelque chose? Je tunaweza kusimama tusome jambo moja. On va partager, nous allons continuer. Na kisha tutachangia neno na tutaendelea kwa Mungu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut crier Alléluia? Je tunaweza kupiga kelele Alléluia. Un peu plus fort Alléluia. Tena zaidi Alléluia. Le salut, wokovu, la gloire, utukufu, et la puissance, na uwezo, sont ni vya Mungu wetu. Encore une fois, mara moja, Alléluia, wokovu, utukufu, na uwezo, ni vya Mungu wetu. Encore une fois, mara moja ingine, Alléluia, Alléluia, le salut. La utukufu na uwezo ni vya Mungu wetu. Gloire à notre Dieu. Utukufu kwa Mungu wetu. Allons dans notre texte de 1 Samuel chapitre 7. Tunenda ndani ya andiko letu la Samueli wa kwanza sura 7. Prend sa Bible et nous y allons. Kuna mtu anachukua Biblia yake na tunasoma pamoja. Nous voulons rapidement partager sur deux personnages. Tunatamani kuzungumzia juu ya watu wawili. Et nous allons tirer des leçons. Na tutaondoa humo masomo. Et voir comment Dieu se comporte. Na tuone namna gani Mungu anakuwa. Lorsque ces hommes posent tel et tel acte. Wakati watu wake wanafanya matendo fulani. Alléluia. Amen. On peut y aller. Tunaweza kusoma pamoja. Verset 3, 7 3. Shaili la 3. 7 mstari wa 3. 7 3 1 Samuel. Samueli wa kwanza 7 mstari wa 3. On est prêt? Tuko tayari. On est prêt? Tuko tayari. Est-ce qu'on est prêt? Je tuko tayari. Vous êtes là? Muko hapo. Allons-y. Twende pamoja. Samuel dit: Si kama ni kwa moyo wenu wote mnamrudilia Mungu. Ôtez du milieu de vous. Ondoweni miongoni mwenu. Miungu wageni na wastani. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Servez-le lui seul. Na mtumikie yeye mwenyewe. Et il vous délivrera na atawaokoa mikononi mwa Wafilistini. Les enfants d'Israël, wana wa Israeli, ôtèrent du milieu de les bas, wakaondoa kati yao mabali na wastarta, ils servirent l'Éternel na wakamtumikia Mungu yeye mwenyewe. Samuel dit, Samueli kasema, assemblez tout Israël à Mikusanye Israeli yote Misipa, et je prierai l'Éternel pour na nitaomba Bwana Mungu kwa ajili yenu. Ils s'assemblèrent à Mispa, wakakusanyika pa Misipa, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, wakachota maji na wakaimwaga mbele ya Mungu. Ce jour-là, na wakafunga siku hiyo, wakisema, nous avons péché contre l'Éternel. Tumekukosea Bwana. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa et les princes Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et dirent à Samuel, n'est-ce pas pour de crier pour nous usi à l'Éternel notre Dieu afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait Samueli et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Nakamtoa, il cria à l'Éternel pour et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mis en déroute. Ils furent battus devant Israël. Amen. Continuons, prenons le reste du texte. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa pour suivre les Philistins et les battirent jusqu'au dessus de Bet-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shen et il appela du nom d'Ebenezer en disant: jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Alors les Philistins furent humiliés et ils ne verrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Amen. Amen. Asseyez-vous. Samuel, c'est ce sacrificateur qui est devenu juge en Israël. Le peuple a crié pour, auprès de lui pour dire: crie pour nous à l'Éternel. Nous sommes fatigués, nous souffrons, c'est grave. Et Samuel leur a donné une condition. Il dit: si vous êtes sincères et que vous voulez authentiquement chercher Dieu, tournez votre cœur vers l'Éternel, lui seul, et servez lui seul. Le peuple a dit d'accord, et de manière authentique, de manière sincère. Le peuple s'est repenti. Le peuple s'est tourné vers Dieu. Et ils ont tourné leur cœur vers l'Éternel sincèrement et lui seul. Quand Dieu a senti cette attitude, quand Dieu a vu que le peuple, cette fois-ci, il est vrai, il s'est disposé à être favorable. Et Samuel est allé prier pour le peuple. Le peuple vient de se repentir. Et Samuel, le sacrificateur, est en train de prier pour eux. J'aimerais vous montrer quelque chose. Chaque fois que l'être humain décide de se tourner authentiquement vers Dieu, il y a agitation dans le monde des ténèbres. Et vous pouvez vérifier ça même aujourd'hui. Depuis que vous avez décidé de dire: j'entre dans les grâces des sondages, et que vous avez commencé à prendre conscience, vous pouvez observer qu'il y a des choses qui se soulèvent contre vous. Qui croit que j'ai dit vrai? Et nous voyons ça dans ces textes aussi. Les Philistins constatent que le peuple est allé se réunir pour renouer avec Dieu. Il ne faut pas les laisser. C'est dangereux pour le monde des ténèbres. Parce que s'ils osent obtenir Dieu, c'est fini pour nous. Ceci devait nous encourager. Quand vous constatez que le monde des ténèbres s'agite lorsque vous cherchez Dieu, alors cherchez Dieu grave. Cherchez-le gravement. C'est une preuve qu'il y a de bonnes choses juste devant là. Lorsque tu commences à te sanctifier et que tu constates que l'ennemi crée des choses contre toi, alors sanctifie-toi totalement. C'est que l'ennemi vient de se rendre compte que si on le laisse arriver au bout, n'avez-vous pas vu certaines personnes à plein programme de jeûne et prière? Tu fais des rêves impurs. Et tu te dis: Seigneur, Jésus a prié. Comment je rêve des choses sales? Parce que le diable a encore des trucs en toi. Et quand il voit que tu veux aller dans une zone rouge, Il active sur ces trucs-là pour que tu ne progresses pas. Il voit que tu veux dépasser la barre rouge. Si tu oses passer par là, c'est fini pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il active des trucs. Le ventre fait mal. Tu ne sais plus jeûner. Na hawezi tena kufunga. Il y a des maux de tête. Kuna kichwa inayouma. Tu laisses tomber la prière. Na unaacha maombi. Jean chapitre 14 verset 30. Yohana 14 mstari wake wa 13. Jésus lui dit. Yesu Kristo anasema. Jésus dit. Yesu Kristo anasema. Le prince de ce monde vient. Mfalme wa ulimwengu huyu anakuja. Mais il n'a rien à moi. Lakini hakuna chake ndani mwangu. C'est-à-dire, le prince de ce monde est en train de vouloir venir opérer pour m'empêcher d'arriver là où je dois aller. Mais ce prince de ce monde, il n'a pas de trucs en moi. Il n'a pas de trucs en moi sur lesquels il peut activer. Mais lorsque tu vis une vie syncrétique et que tu veux aller vers Dieu, le diable est à l'aise. Shetani anafurahi. Parce qu'il y a beaucoup de trucs dans ta vie. Sababu kuna mambo mengi maishani mwako. Sur lesquels le diable va activer. Ambapo shetani atakukokotea. Il va tirer des ficelles. Il va t'ébranler. Na atakusimamisha. Et tu ne sauras pas avancer. Na utaweza kuendelea. À un moment, en pleine prière. Kwa wakati moja, il y a des gens qui se fâchent contre Dieu. Kuna watu wanaomkasirikia Mungu. Et qui disent Mungu, c'est quand je vis les basses. Na unasema Dieu, si c'est comme ça vraiment, c'est fini pour moi. Je laisse ça. Pourquoi tu laisses ça? Tu n'as joué à ça. Tu es en train maintenant de te tuer. Ils ne font pas laisser ça, ils ne font pas abandonner. Quelquefois, c'est à la fin de ton programme de jeûne et prière que tu vis des trucs bizarres. Et tu dis donc, mon programme a raté. Ton programme n'a pas raté. Le Saint-Esprit est en train de t'aider à découvrir les mauvaises choses cachées en toi dans ton subconscient. Il est en train de t'aider à découvrir les dépôts du diable en toi. Les résidus de l'ennemi dans ta vie. En d'autres termes, Dieu te permet. Il te montre les vraies requêtes. Les vraies requêtes. Tes vraies requêtes. Dans la prière, tu es en train de demander des choses. Dieu donne-moi ceci. Dieu donne-moi cela. Ce n'était pas les vraies requêtes pour toi. Mais plus tu t'approfondis dans la prière, dans la conscience, Dieu se dit. Cet homme commence à être intéressant. Il faut l'aider. Sa vraie prière, ce n'est pas ce qu'il demande. Sa vraie prière qu'il devait faire serait de se révolter contre les maris de nuit. Et il ouvre ton esprit. Pour que tu perçoives ce qui se passe dans ta vie sans que tu le voies. Afin que tu frappes sur le vrai front. Que tu intercèdes sur le vrai problème. Nous finissons la prière. Et nous disons, Seigneur, je t'ai demandé 1, 2, 3, 4, 5. Nimekomba moja, mbili, tatu, mais de tous les 1, 2, 3, 4, 5, na ile moja, mbili, tatu, je n'ai rien vu. Tano, si kuona kitu. Or, Dieu a déjà exaucé le vrai problème. Ijapokuwa Mungu ameshajibu shida ya kweli. C'est pourquoi à la fin de la prière, il ne faut pas être triste. Na ndio maana kwa mwisho maombi, quelque chose s'est déjà passé. Kuna kitu ambacho kimeshapitika. Alléluia. Amen. Même quand tu fais le comptage de tes requêtes et tu constates que bon, mon inventaire est négatif. Attends. Il y a des choses qui se sont passées. Kuna mambo yaliyopitikana. Si tu étais attentif, ungelikuwa mwangalifu, tu pouvais le remarquer. Ungepasa kuyagundua. Ne vous est-il pas arrivé dans ce genre de requêtes dans ce genre de programme. Et quand vous arrivez à la fin de votre prière, et vous voyez des attaques. Unaanza kuona sasa mashambulizi. Vita vinafika. Je me souviens un jour, j'ai prié comme ça. Nakumbuka siku moja nilikuwa nikiomba. Et je me suis retrouvé dans un combat. Na nikajikuta ndani ya vita. J'ai cogné cet ennemi. Nilimpiga ule adui. À la tête. Kwa kichwa. C'est pas banitaka likofi. Banitaka nini? Je l'ai cogné et la tête a explosé. Et je me suis réveillé ngumi koivi. C'était comme le bongo etaela. Nani kama vile bongo yake ilikuwa imesambarana kwenye mkono wangu. Parce que lorsque vous êtes en prière, sababu unapokuwa ndani ya maombi, Dieu vous charge et vous recharge. Mungu anakupakiza na kupakiza. Dans votre esprit. Ndani ya roho yako. De sorte que votre esprit devient fort. Na hata roho yako inakuwa na nguvu. Et même quand Dieu va vous révéler les choses qui étaient vos problèmes. Na wakati hata Mungu atakufunulia mambo yaliyokuwa shida yenu, si kwa ajili ya kuwa. C'est pour vous donner l'opportunité de finir avec l'ennemi. Umalizane na adui kweli kweli. Ambia mwenzako ndamalizana naye mu programme. Dis à ton prochain, je vais finir avec le diable dans ce programme. Je vais finir avec lui. Quelqu'un dit Satan, il est malisana na wewe. Quelqu'un dit Satan, je vais finir avec toi. Je vais en finir avec toi. La Bible dit. Unajua Biblia inasema. Les démons aussi croient et ils tremblent. Mapepo nayo wanaamini na wanatetemeka. Dans le livre de Jacques. Ni ndani ya kitabu cha Yakobo. Wanaamini na wanatetemeka. Mais pourquoi vous tremblez parce que vous vous tapez la poitrine que binonde bozo dirigez monde hoyo? Sababu gani muna tetemeka ijapokuwa mnajipiga kifua mkisema nyinyi sisi ndio tunatawala dunia? Ya Dieu. Kuna Mungu. Qui dirige le monde? Ambana tawala dunia. Le diable a bâti poteau devant Jésus. Satani akapiga goli mbele ya Yesu. Je te donnerai tous ces royaumes. Akamwambia nitakupatia falme zote. Parce que ces royaumes ont été donnés. Sababu hii nimepewa. Uniabudu tu. J'ai dit arrière de moi Satan. Na Yesu anasema shetani enda nyuma yangu. Toka pale. Ondoka pale. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Utamwabudu tu Bwana Mungu wako. Le lui seul. Utamtumikia yeye mwenyewe. Autrement dit. Kwa maneno mengine. Si tu savais. Ungelijua. Qui t'avait donné ce royaume? Nani aliyekupatia falme hizo? Et si tu savais, tu parles avec qui? Na ungelijua wewe unaongea na nani? La Bible dit. Biblia inasema. Sur cette parole. Juu ya neno hilo, le diable le quitta. Shetani akaondoka na kamwacha. Anasema mambo yanaharibika. Les choses sont abîmées maintenant. Il le quitta. Akamtoka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Donc je disais, nilikuwa nikisema, chaque fois que l'être humain, kila mara wakati mwanadamu, ou le chrétien, ama mkristo, essaye de chercher Dieu authentiquement, l'ennemi s'agite. Alors prends courage et fonce. Dis à ton voisin, fonce frère. Il faut foncer. Qu'importe la manière dont il essaie de te troubler ou de te déranger. Profite, fonce. Dans ce texte que nous venons de lire. Ndani andiko hili ambalo tunatoka kusoma. Les Philistins viennent attaquer. Wafilistini wanakuja kuwashambulia Israeli. Israël a l'expérience et la puissance des Philistins. Na Israeli anajua nguvu za Wafilistini. Il crie à Samuel, prie pour nous. Wanalilia Samueli wanamwambia utuombea. Samuel crie à l'Éternel, fais un sacrifice holocauste. Na Samueli anamulilia Bwana na anafanya anatoa sadaka ya kuteketeza. Un agneau de lait. Anatoa kondoo wa. Et pendant qu'il est en train de négocier ou de parler ou d'offrir à Dieu. Na wakati iko na mtolea Mungu. Les Philistins arrivent. Wafilistini wanafika. N'oubliez pas ceci. Msisahau hii. L'ennemi a toujours été arrogant. Adui anakuwa kila mara na majivuno. Arrogant. Majivuno. S'il y a quelqu'un qui croit qu'il gagnera le monde. Kama kuna mtu ambaye anaamini ya kwamba atashinda dunia. C'est Satan. Ni shetani. C'est pourquoi il est persévérant. Même quand vous l'avez vaincu hier, hata wakati ulimshinda jana, il essaie de venir essayer aujourd'hui. Anakuja tena apime leo. Mais si nous découvrons la leçon, lakini kama tunatambua mafundisho, que c'est à nous la victoire, ya kwamba ushindi ni wetu, parce que il est prévu, sababu imetayarishwa, que c'est nous qui sommes vainqueurs, ya kwamba sisi ndio washindi. Nous allons le fatiguer dans ce courage là. Tutamchokesha ndani ya bidii yake. Mais si nous gagnons la gloire de Dieu, le kabod de Dieu. Lakini kama tunapata utukufu wa Mungu. Il y aura des choses, kuna mambo, des victoires, ushindi, dans lesquelles nous n'allons pas travailler. Ambao sisi hatutatumika kitu. Où Dieu lui-même va travailler. Ambao Mungu yeye mwenyewe atatumika. Dieu va dire, mon fils, ma fille, repose-toi. Ambao Mungu atasema binti wangu mwanangu pumzika. Niachie huyu nihusike. Et laisse-moi m'occuper de cet ennemi. Et Dieu commence à s'occuper. Samuel offre à Dieu. Samuel le peuple est en train de se repentir. Taifa wako wanatubu. Les Philistins sont à la porte. Wa Filistini wako mlangoni. Dieu dit, na Mungu anasema, je m'en occupe. Mimi nahusika naye. J'aime cette phrase, si tu peux souligner cela. Napenda msemo huu, sijui kama unaweza kuweka kistari chini. L'Éternel fit retentir en ce jour. Imeandikwa kwamba Bwana kasikiliza sauti ya baragumu yake. Filistini. Et il les mit en déroute. Na akawatawanyisha. Ils furent tous battus. Wote wakapigwa. Devant l'Éternel. Mbele ya Mungu. L'Éternel. Bwana Mungu. Lorsque tu gagnes la cabote de Dieu, wakati unapata utukufu wa Mungu, il y a des combats que tu vas exercer. Kuna vita ambavyo utapigana. Il y a des combats que Dieu va exercer lui-même à ta na place. Kuna vita ambavyo Mungu yeye mwenyewe atapigana kwa niaba yako. Kuna mtu anamshangilia Mungu kwa ajili ya hiyo. Dieu va s'occuper de certains combats pour toi. Mungu atahusika na vita fulani sababu yako. C'est pourquoi ne panique pas trop. Na ndio maana tusiogope sana. Même quand le diable vient avec puissance. Hata wakati shetani anakuja. La première chose ou les premiers réflexes que tu dois chercher à vérifier. Jambo la kwanza ambalo unapaswa kuanza kuchunguza. Est-ce que la cabode est présente? Je, utukufu wa Mungu iko? Eh? Ne courez pas à pleurer d'abord. Usikimbie kwanza kulia. Ne courez pas à prendre le téléphone pour appeler le pasteur d'abord. Usikimbie kwanza kuchukua simu uite mtu. Ou pour appeler les intercesseurs. Ama uite waombaji. Cours dans ton cœur. Kimbia maoni mwako. Pour vérifier. Ili uchunguze. Si la cabote de Dieu est encore là. Kama utukufu wa Mungu ungali hapo. Si tu te rassures. Kama unahakikisha. Que la cabote de Dieu est là. Ya kwamba utukufu wa Mungu umo ndani. Calme. Uwe tu kimya. Calme. Kimya. Il viendra contre toi par un seul chemin. Atakujia kwa njia moja. Et fuira par sept chemins. Lakini atakimbia kwa njia saba. 10,000 tombe à ta gauche, 1,000 à ta droite. Tu ne seras pas à terre. Moja akuume lakini wewe utaguswa. Si l'on t'attaque, comment cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Il a été attaqué à quoi? Et quiconque t'attaquera, tombera à cause de toi. Atanguka sababu yako. Namna gani? Comment? Parce que je suis loaded. Mana nimepakizwa. Je suis chargé. Nimepakizwa. De la gloire de Dieu. Na utukufu wa Mungu. Je suis rempli. Ninajazwa. Regardez Ephésiens chapitre 3 verset 19. Tazama wa Efeso 3 mstari wake wa 19. Et puis on va prier. Na kisha tutaomba. Ephésiens 3:19. Alléluia. Amen. Commence à 18. Unaweza kuanzia kwa 18. Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, ili mwelewe pamoja na watakatifu wote nini upana na urefu undani na et connaître l'amour de Christ, na kujua upendo wa Kristo, qui surpasse toute connaissance, en sorte que ili vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Hadi kwa utele wote wa Mungu. Rempli kujazwa jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Hadi kwa utele wote wa Mungu. Rempli kujazwa jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Hadi kwa utele wote wa Mungu. Voilà les attentes de Dieu. Tazama ila Mungu Dieu veut Mungu anahitaji te remplir akujaze jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mpaka kwa utele wote wa Mungu. Écoutez-moi un instant. Nisikilize. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Mungu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Souvent na mara nous nous limitons à demander la plénitude du Saint-Esprit. Mara tunasema Roho Mtakatifu ndiye atujaze. N'est-ce pas? Sio hivyo. Quand je demande la plénitude de Dieu, wakati ninaomba utele wa Mungu, j'obtiens la plénitude du Père, napata kujazwa la plénitude na baba, du Fils, napata kujazwa et na la mana, plénitude du Saint-Esprit. Nakujazwa na Roho Mtakatifu. Donc je peux prier Seigneur. Ni kusema naweza kusema Bwana. Père, Baba, remplis-moi de toi. Unijaze, Jésus-Christ, remplis-moi de toi. Unijaze na wewe. Saint-Esprit, remplis-moi unijaze de toi. Ça revient dans ces versets. Na inarukuja ndani ya plénitude utele de Dieu. Wa Mungu. Les paniers vont passer. Vitunga vya sadaka vitaanza kupita, tutakuwa tukimtolea Mungu. La plénitude de Dieu. Utele wa Mungu. Que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Tujazwe na utele wote wa Mungu. Et toute la plénitude de Dieu. Na utele wote wa Mungu. Apporte quoi en nous? Naleta nini ndani mwetu? La kabod. Inaleta utukufu. La kabod. Utukufu. Dieu. Mungu. S'occupa. Aka. Des Philistins ce jour. Usika na wa Filistini siku hiyo. Regardez ce qui suivit. Angalia iliyofuata. Au point que Samuel a pris une pierre et l'a placée comme frontière, comme pour dire, na musivuka ketena, que vous ne traversiez plus ici. Quelqu'un doit être capable d'atteindre ce niveau-là. Kuna mtu ambaye anapaswa kuwa na uwezo wa la capacité ambao una uwezo d'établir ta victoire pour longtemps. Ya kushimika ushindi wako kwa siku ndefu. Et de dire la victoire d'aujourd'hui. Na kusema ushindi wa leo. Je donne une durée de vie à ça. Ninaipatia maisha ambayo itafanya. Bachawi. Les sorciers. Amutavuka katena. Vous n'allez plus traverser cette limite. Ma pepo. Les démons. Amutash pita katena hapa. Vous n'allez plus franchir cette limite. Et Samuel appela cette pierre. Na Samuel akaita jiwe hilo. Ebenezer. Ebenezer. Comme pour dire jusqu'ici. Kama kusema mpaka hapa. Dieu nous a. Bwana ametusaidia. Il y a un jusqu'ici de quelqu'un ce soir. Na kuna mpaka hapa ya mtu jioni ya leo. Jusqu'ici. Mpaka hapa. Seigneur. Bwana, jusqu'ici, mpaka hapa, les tonnerres sont arrivés. Mabaragumu yamefika. Les tonnerres se sont occupés de mes ennemis. Mabaragumu zime usika na parce que mes ennemis m'ont trouvé en prière. Sababu madui zangu walinikuta ndani ya maombi. Mes ennemis m'ont trouvé à genoux. Walinikuta nikipiga magoti. Et Dieu m'a dit, na Mungu kaniambia, ma fille, binti wangu, continue à prier. Wendelea tu kuomba. Je m'en charge. Na mimi mwenyewe nitahusika nayo. Amen. Je m'en charge. Nina usika nayo. Uko déjà mubia bien. Tu es déjà dans de bonnes choses. Mon fils, mwanangu, tu es bien occupé. Apo kabisa vas-y. Vizuri. Wewe ton ennemi, adui yako, je m'en charge. Aha, na usika naye. Je m'en charge. Na usika naye. Et dans cette progression, na ndani ya kuendelea hivyo, pour attirer Dieu. Kwa kumvutia Mungu. Pour accéder à Dieu. Kwa ajili ya kumfikia Mungu. Nous avons besoin. Tunahitaji. De prendre une forte conscience. Tuchukue zamiri kubwa. De ce besoin là. Levons-nous ensemble. Tusimame pamoja.